Libéré, Léon. Léon, près du micro. Libéré, Léon. Libéré, Léon. Libéré, Léon. Libéré, Léon. Allez. Libéré, Léon. Libéré, Léon. Libéré, Léon. Ils vous attendent pas, oui. Si, t'inquiète, ils vous attendent. Libéré, Léon. Poisson. Là, il n'y a rien. Ah ouais, il casse les couilles. Les coquilles au balcon. Les coquilles au balcon. Les coquilles au balcon. Les coquilles au balcon. Les coquilles au balcon. Les coquilles au balcon. Les coquilles au balcon. Les coquilles au balcon. Patrice. Bonsoir. Patrice. Patrice. Elle est à rang là. Il n'y a plus d'avant. Libérez Karim. Libérez Karim. Belle pêche. Ah ouais.